Bonjour. Tout d'abord, avant de commencer mon exposé, je tiens à remercier tous les groupes hommes et femmes du centre d'études d'Alexandrie et qui m'ont accordé cette opportunité de vous présenter aujourd'hui ma quête de réflexion à propos de mon sujet de thèse qui s'intitule « Le paysage sacré en islam » sous la direction du professeur Nadi Jalloul. La quête de cette thèse consiste à aborder la question de la sacralisation du patrimoine paysager à la lumière de l'islam. Cette réflexion traite le concept du paysage non seulement pour avoir davantage une cohérence en plein son entre les sources de l'islam, c'est-à-dire le Coran et la tradition prophétique sunna, et les sciences humaines et sociales, mais aussi pour revenir au texte fondateur en ajoutant une dynamique potentielle d'intelligence topique en fonction du temps et de l'espace. En effet, l'objectif de ce processus de recherche est de sublimer la relation entre l'homme et la nature et de prendre conscience de formuler une théorie du paysage contextualisée dans notre quotidiennité à la lumière d'une interprétation islamique. Il s'agit donc de résoudre une problématique de réconciliation entre homme et la nature à travers l'histoire et de l'éco-centrisme qui conduit à l'épuisement des ressources naturelles qui se considèrent autant que droits des futures générations, sans conscience et sans éthique. Je peux tirer de mon sujet trois mots clés, c'est le concept, le paysage, le sacré, et l'islam. Mon plan de ma thèse se constitue d'une introduction générale, une problématique, une méthodologie de recherche, une définition sur le concept et présentation historique de la sacralisation du paysage, le paysage d'interreligion, approche analytique. Après la méthodologie de recherche, j'ai divisé mon processus de recherche en quatre parties principales. La première partie sur la définition du concept et présentation historique de la sacralisation des paysages. La deuxième partie sur le paysage d'interreligion. Et la troisième, je faisais une approche analytique des éléments paysagers remarquables, étude de cas, palais présidentiel Bourguiba du Sranz Monastir et analyse des enquêtes. Et en quatrième partie, j'ai formulé une théorie du paysage à l'intérieur d'une interprétation islamique telle que solution pratique et intellectuelle à la sacralisation du paysage en islam. J'ai commencé à citer un verset qui représente un verset d'un texte fondateur. Dieu dit que c'est lui qui a créé le jardin triagier et non triagier, et les dattiers et la culture aux produits divers, l'olive et la grenade semblables et pourtant pas ressemblantes, mangés en du fruit lorsqu'ils fructifient et acquittés en le droit le jour de la récolte et pas d'outrance. Non, ils n'aiment pas les outrances. Je peux citer en arabe si vous voulez. وهو الذي أنشى جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمر إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Donc à la lumière de ce que nous avons cité précédemment, on peut dire que notre logique de réflexion commence par présenter notre processus de recherche qui permet d'étudier la sainteté du concept du paysage dans le cadre et la conception existentielle de l'islam selon une compréhension du message du Coran et de la tradition prophétique. Dans ces contextes et au cours de l'histoire, avec l'évolution chronologique du savoir, il est possible de souligner que chaque civilisation humaine dépend de l'authenticité florale célèbre de son territoire, tel que l'olivier pour la Tunisie, le riz pour la Chine. Titre d'exemple. Mais le concept de paysage joue un rôle de plus en plus secondaire dans le domaine du droit islamique et du jurisprudence. Il ne fait pas. Discuté partout, il finit qu'il ne soit pas dans l'ordre de priorité, car tant de partisans du droit islamique, de la philosophie et l'historiographie sont d'abord préoccupés par d'autres domaines de savoir ou par des influences étrangères. Dans cette perspective, on peut dire que la problématique qui préoccupe la pensée et l'aptitude intellectuelle de l'humanité et qui touche la réalité de la société humaine d'une façon attirante et profonde et impérative. Ce sont en effet les problématiques qui ont un lien direct avec l'histoire de l'homme et celle de son cadre de qualité naturelle de vie. Elles font du faux dans des études de recherche scientifique qui combinent questions cosmiques contemporaines et textes coraniques. Les études dans ce cadre nécessitent alors l'association de différentes disciplines en plus de connaissances des sources des lois islamiques, en essentiel maîtriser la capacité de lier entre les aspects scientifiques et juridiques et les contrôles généraux. Dans ce sens, on peut admettre qu'on ne peut pas imaginer une société sans sujet de réflexion qui permette la survie de l'espace et remporte d'un lieu favorable et vital. Augustin Beck l'a exprimé dans son ouvrage « Les raisons du paysage » de la manière suivante. Les quatre critères d'une société, la représentation linguistique du mot pour nommer le paysage, la représentation littéraire, la représentation picturale et enfin l'art du jardin. Cette réflexion permet d'élaborer une stratégie de mise en œuvre des éléments paysagers structurés fonctionnels et d'assurer un aménagement territorial et géomorphologique dans le but d'obtenir un aspect paysager ethno-écologique sain à l'aide du concept éthique et synthétique par l'usage. Pour cette raison, dans cette recherche, nous voulons tenter à connaître l'opinion de l'islam en faveur du paysage, notamment le paysage sacré du côté relatif à la science et comment considérer comme objet sa valeur et usage scientifique. La raison est facultative pour cette recherche vu la rareté des études traitant dans cette question. Or, les besoins est urgent de mettre en évidence la position du Coran et de l'islam à partir de ce modèle de développement. Donc, avec l'émergence des sciences, leur catégorisation et leur hiérarchie, la réflexion sur le concept de paysage se diversifie au gré de confrontation des idées des scientifiques et des penseurs sur l'origine des problématiques, sur les impacts et les incidences des attitudes et les problèmes perpétuels sur le label homme-nature-religion. Dans ce sens, on peut souligner que Michel Jacob, dans son ouvrage Le paysage, a cité que la dimension foncièrement historique du paysage, son développement initial, son parcours à l'intérieur de l'histoire de l'art, de la littérature et du jardin, son doublement en paysage représenté et paysage vécu soulève une série d'interrogations. Donc, les effets de l'absence d'un paradigme du paysage sacré et d'une gestion performante des éléments patrimoniaux paysagistes, il faut indiquer aussi que les travaux de Jürgen Moltmann ont appelé à reformuler la relation chrétien-nature et fonder une théologie de l'écologie. Donc, les mesures nécessaires pour pouvoir mettre en évidence le patrimoine paysager sacré dans l'aménagement et la gestion de la morphologie géographique, Amr Wislet a exprimé dans son ouvrage « Le paysage en Tunisie » que la diversité due à plusieurs facteurs, dont la forme la plus importante de ce même pays qui s'étend du nord au sud pendant plus de cette latitude, permet une gamme de différences dans les centres climatiques en bio. Donc la vraie problématique en effet se manifeste dans la réponse aux questions précédentes et suivantes. À quelle limite le paysage porte un aspect sacralisé rattaché à l'islam, représente une connotation sacrée? Comment traiter le paysage sacré dont les composantes sont la végétation, les eaux et les monuments religieux? À l'aide de quelles méthodes pratiques dans un cadre juridique et éthique selon l'islam pouvons-nous réaliser les ambitions nationales d'assurer l'art du jardin sacré? Quelles sont les interventions possibles que doivent apporter les chercheurs dans la mise d'une théorie du paysage sacré à la lumière d'une interprétation islamique? Dans le prisme ethno-écologique, quelle relation a-t-il entre l'homme et la nature en domaine du développement durable? Donc, cette tendance de recherche se base essentiellement sur une méthodologie scientifique comparative s'appuyant sur l'induction et la déduction, ce qui nous permettra de mieux comprendre le concept islamique déduit de l'extrapolation du verset coranique et des éléments de la sunna portant sur le paysage et le développement du bien-être de l'homme. La responsabilité de cette réflexion de recherche nous engage à modeler une théorie de paysage multidisciplinaire qui connaît quatre conjonctures principales, se résumant comme suit. La première, l'inférence logique mentale, en tant que performance et cheminement de pensée possède des connaissances nécessaires au-dessus de l'expérience, qui lui permet d'examiner la nature comme un outil de réflexion en sciences humaines et géohistoriques. La deuxième, l'étude des valeurs du paysage en évoquant les paradigmes sociaux de la relation dialectique homme-nature à la lumière des idéologies différentes émanant des théologies célestes à travers l'historiographie. La troisième étude, le principe du domaine sciences humaines et géohistoriques nous permet d'offrir une interprétation globale aux éléments de la structure paysagère. Et la quatrième étude, la conception du paysage selon les textes sacrés en islam. Donc, la première partie, c'est constitué par de présenter la définition du concept et présentation historique de la sacralisation du paysage. On a commencé par l'épistémologie du concept du paysage et du paysage sacré, terminologie pertinente. On a défini, plus ou moins, on n'a pas défini de façon absolue, mais on a donné des définitions relatives au concept du paysage qui s'interprète par une perception visuelle et s'est traduit par une représentation géologique teintée par un aspect ethnoculturel dans le but d'ajuster la morphologie d'un morceau du territoire comme vous voyez dans la photo à l'époque de l'Empire moghol. Le concept du sacré consiste à permet de dans lequel on peut déterminer la divinité qui nous permet de comprendre et de saisir les expressions psychologiques, sociales et même esthétiques de l'historiographie humaine d'une façon approfondie. Dans ces cas, on peut dire qu'ils peuvent réduire l'élan sémiologique qui aide à décoder les symboles des phénomènes sociaux et donne la valeur épistémologique large à la connotation culturelle actuelle. Donc, en ce qui concerne les concepts géographiques, le paysage et le sacré permettent d'élaborer une géographie paysagère qui représente un acteur dans le patrimoine islamique et un sujet de réflexion dans les domaines des sciences humaines et sociales. L'homme, autant qu'être originellement, portant une conscience intuitive d'une réflexion de la géographie physique, il va également tenter à l'effectuer à travers une conception et une représentation géographique dans son environnement. Cette manifestation va être figurée sous forme de sculpture dans les montagnes, par exemple, le gravure du peuple de Noé en Jordanie, du dessin sur les parois des grottes et de sculptures de certaines caractéristiques particulières comme les outils et les orientations. Le concept de la perception s'agit d'une représentation de la réalité perçue par la méditation d'une manière physique à travers l'organe de l'œil et par les consciences intuitives d'inspiration pour comprendre la nature et la révélation comme suit. La science se divise, je suis classé en trois parties, la science de la certitude, la perception de la certitude et la raison de la certitude. Cette perception est un processus de méditation qui nous permet de comprendre les effets et les manifestations issues de la relation homme-nature. Marx a dit « La pensée ne peut être séparée de la matière penseur, cette matière est l'essence de tous les changements. » En ce qui concerne le comportement, l'homme a été créé avec une conscience intuitive bilatérale, c'est-à-dire d'une volonté innée qui lui définit le bien et le mal, et de choisir les sens légitimes et illégitimes. Dans ce contexte, on peut dire que l'homme, dans ce cas, possède une conscience de foi et de raison qui lui permet de choisir d'une façon libre et autonome entre deux voies, la voie juste ou la voie injuste. L'identité, c'est une réflexion qui nous amène à prendre des mesures afin de sauvegarder l'identité vernaculaire d'une part et d'assurer la distinction pour ne pas plonger dans la mondialisation afin de conserver ses traits spécifiques d'autre part. Les patrimoines, comme vous savez, c'est un héritage caractérisé par deux biens matériels et immatériels ajoutés par l'homme à la nature pour se distinguer des autres et contribuer à la construction de son histoire avec ses influences dans les prisons d'une façon pragmatique et aussi avec la transmission de cet héritage aux futures générations afin de comprendre les passés. Ceci conduit à former une symbiose entre la masse et la biomasse qui représente la structure patrimoine d'un paysager. Le concept de l'islam s'est constitué par une voie divine, constituée par un credo du culte des principes, donc éthique et des prescriptions pratiques. Il s'agit donc d'un idéal divin, d'une vérité absolue, abstraite de toute implication humaine. La relation humaine avec cet idéal divin sur le plan intellectuel, spirituel, éthique et pratique, individuellement et collectivement. Donc la composition de la religion se compose par deux sources essentielles telles que le Coran et le Sunna qui représentent ce qu'on appelle la religion islamique qui donne une relation transversale entre ce qu'on appelle l'humain et l'ahsan, donc la foi et les bienfaisants. et qui donne une religion qui s'appelle en arabe Din, qui représente un schéma, un message, une civilisation par laquelle suivi l'être humain. Donc, en ce qui concerne la deuxième partie, on a parlé sur le paysage d'interreligion, le paysage en judaïsme, milieu et religion. On a commencé par l'historicité de la communauté juive, comment la notion de l'arbre dans la communauté juive elle était perçue, l'écologie dans la spiritualité juive. Rezin Cohen a souligné que dans la Torah, nous apprenons qu'Abraham plante un arbre dont le nom Abrik et Shel Tamiriz. Donc le paysage au christianisme, la nature dans les révélations évangéliques, aspect naturel et spatial. L'arbre de vie dans le christianisme est un arbre qui porte des fruits conférant l'immortalité. Pour les croyances du chrétien catholique, l'humanité qui est exemple de péché et de corruption est symbolisée par l'arbre de vie. Donc la notion du paysage selon le christianisme se présente par cette représentation et cette conception du jardin dans le palais de Versailles. Le paysage en islam s'appuyant sur deux éléments essentiels, c'est la foi et la raison, d'une façon verticale du Dieu vers la terre et d'une façon horizontale transversale entre l'homme et l'arbre. Dans la troisième partie, on a fait une approche analytique des éléments paysagers remarquables, étude du cas, palais présidentiel Bourguiba, Spanis Monastir, et analyse des enquêtes. Dans cette partie-là, on a fait une analyse de la structure paysage du palais Bourguiba. Comme vous voyez, c'est deux photos qui représentent une géographie du palais. Donc, la typologie de taille et orientation, c'est le palais, celui-là. On a fait un découpage en îlots, végétaux, minéraux, bâtis et eaux, par lesquels se constitue la structure du paysage, et symbiose entre l'îlot paysager, par lesquels se constitue toute une structure, par les lots minéraux, les lots végétaux, et la présence de l'eau qui donne un paysage dans lequel il y a la perception, la conception, la représentation. Donc, l'analyse des enquêtes. On a fait des interrogations selon les connaissances des enquêtés sur le plan des masses, selon leur définition au paysage et selon leur connaissance de l'historique du palais, selon leur pourcentage de savoir est-ce que le palais il était public ou privé. Cette approche est une méthode analytique qui nous permet de recueillir des informations, des connaissances fidèles à la réalité. La répartition des éléments de mise en paysage du palais Bourguiba nous a permis de traiter notre sujet de telle manière que nous avons la possibilité d'adopter un processus qui prend appui sur une base de données techniques et de concepts scientifiques. Dans la quatrième partie, la dernière, on a formulé une théorie du paysage à l'intérieur d'une interprétation islamique. On a donné des solutions pratiques et intellectuelles à la sacralisation du paysage en islam. Comment percevoir le paysage ? Autrement dit, comment formuler une théorie du paysage à l'intérieur d'une interprétation islamique? Par quels moyens peut-on appréhender la question des paysages? Quelle place doit prendre le concept du paysage dans la conscience de l'individu à l'égard du changement global? Comment peut-on mettre en œuvre le concept du patrimoine paysager d'une formulation théorique à l'action pratique, voire au développement durable et à la valorisation des sites naturels? Comment pourrons-nous mettre en conscience et en pratique cette théorie du paysage en islam dans le but de réconcilier la relation homme-nature et de préserver notre planète? Fournir des solutions pratiques, éthiques et intellectuelles quant à la sainteté du paysage en islam, la nécessité de la protection de la nature. Le patrimoine paysager est une confrontation dialectique à l'aide socio-économique et culturelle. La préservation de l'expansion de l'espace vert dans la libération d'un schéma directeur d'aménagement urbain durable. Donc le paysage en islam est un élément patrimonial, symbolique, sacré et valeur humaine qui se repose sur deux principes. Le premier principe, c'est le principe de la responsabilité, et le deuxième principe, c'est le principe de la solidarité de l'homme avec les semblables dans le cadre de l'humanisme. L'espace paysager en islam est une carte mentale qui donne. Donc, l'espace paysager en islam, c'est une connotation aussi ethno-botanique et est un élément de développement durable. La sainteté du paysage en islam est un développement du bien-être de l'homme. Donc, parmi les conditions de conservation d'un paysage et usage historique, on a fait des interventions sur le paysage patrimonial. À titre d'exemple, on a demandé de faire un arbre contre un arbre. Celui qui déplante un arbre, il doit planter un arbre en place. Choix des entités paysages locales. La maîtrise nationale du paysage, usage durable. Donc, le concept du développement durable en islam s'appuie sur la notion de développement durable qui s'appuie sur les ressources naturelles, terre, eau et air, sur les actions, instauration ou bien restauration, protection, sur les objectifs socio-culturels, économiques et politiques, et sur les hommes qui donnent conscience éthique en paysage dans l'exploitation, la maîtrise et la préservation, et qui donne une incitation de conscience en paysage intuitif, raisonnable et dans la préservation du patrimoine paysager, et donne incitation de sainteté en paysage patrimonial, identitaire et symbolique. Conclusion, à la lumière de ce qui précède, on peut croire que cette tendance de recherche modeste portant sur la sainteté du concept de paysage en islam est une tentative pour prouver que la compréhension du texte fondateur en islam en fonction du texte, temps et de l'espace permet de produire un paradigme de pensée et éthique capable de donner des solutions pratiques à la problématique contemporaine. La sainteté du concept de paysage, autant qu'élément central dans l'écosystème, forme une représentation non seulement sémantique et synthétique d'une création surnaturelle du jardin privé, du jardin palatial et géographique paysager d'une zone territoriale, mais aussi constitue une substance et un facteur impératif dans la détermination de la qualité de vie durable de l'homme. On peut dire qu'il y a autant de manque de conscience paysagère dans une dimension de foi et de raison, en ajoutant la gestion rationnelle et scientifique au sujet de la fructification des ressources naturelles, autant de risques d'avoir un épuisement perpétuel de la nature. En effet, on peut admettre que la complexité de la réconciliation homme-nature ne peut pas être prise en sténographie dans la perception superficielle autour de laquelle s'articulent certains articulos, exemple sujet du climat, l'énergie renouvelable, désertification, etc., mais aussi s'expose bien évidemment, comme nous l'avons mentionné précédemment, en tant que catalyseur éthique et théologique qui permet de régulariser l'équation entre l'égocentrisme de l'être et autrui, c'est-à-dire entre la gestion optimale du patrimoine naturel et le paysage. Pour cette raison, on souligne qu'il est indispensable désormais de discerner l'exigence d'une nouvelle réflexion intellectuelle profonde permettant de procurer des lectures performantes à propos des textes sacrés coraniques de façon à répondre aux défis contemporains correspondant au contexte du temps et de l'espace. Par ailleurs, il est nécessaire de montrer qu'il ne suffit pas de proposer la problématique de la dégradation de la relation homme-nature, mais il faut prévoir un paradigme éthique qui détermine un cheminement pédagogique permettant de développer le comportement, les mentalités d'une part, et d'éveiller la conscience paysagère, la responsabilité et la solidarité vis-à-vis des droits des générations futures d'autre part. L'objectif de cette tentative de recherche est non seulement de faire une étude comparative basée sur la collecte des informations, des commentaires entre les différentes religions à propos de la question du concept du paysage et leur point de vue vis-à-vis de la relation homme-nature de l'Antiquité jusqu'à nos jours, comme nous l'avons mentionné précédemment, mais aussi de tenter à formuler une théorie du paysage à l'intérieur d'une interprétation islamique. Cette formulation persiste dans l'exigence de participer et à évaluer chaque processus historique en comparant les différentes approches révélées par les différents intellectuels scientifiques et littératures sur le thème de l'écologie, de l'écosystème et de la biodiversité. Cet schéma qui représente c'est notre théorie du paysage à l'intérieur d'une interprétation islamique. Comme l'a souligné M. Jacob dans son ouvrage Le paysage, il a défini le paysage en tant que une relation entre homme-nature. On a ajouté, nous, comme le paysage est un sujet entre est une relation entre homme-nature en fonction du temps et de l'espace. Par conséquent, nous obtenons également, grâce à la valorisation du concept du paysage dans notre conception perceptuelle, la reproduction d'un aspect observatoire de tous les éléments qui forment une unification à l'ensemble de la structure paysagère et à la gestion territoire optimale et durable. L'absence de l'éthique, en effet, dans la conception de la société humaine conduit à des répercussions et des conséquences négatives sur la qualité de l'homme durable. Par conséquent, la vie des intelligences, les psychologies collectives, les relations sociales, l'ordre naturel, le climat, le bien et bien sûr l'avenir de l'humanité sont indissociables de la cohésion entre la foi et la science. L'islam, religion céleste, valorise et met en ordre la priorité, la dignité de l'être humain, quelle que soit sa religion, sa culture et son appartenance. On peut dire finalement que nous n'avons besoin finalement que de plus d'audace, de conscience éthique, d'autocritique concrète et d'espoir durable. Donc le concept du paysage est un instrument catalyseur sociopolitique et économique qui contribue à l'héritage technique et scientifique légué aux générations futures. La sacralisation du concept du paysage en islam dépassera ainsi son aspect fonctionnel pour jouer un rôle passionnel, universel, partagé par toutes les religions, les spiritualités et les civilisations. L'arbre était la raison de la sortie d'Adam du paradis éternel. Aujourd'hui, il est en mesure de le faire sortir de la terre. Le péché est toujours le même. Il l'a commis deux fois. Et merci de votre attention.